Devant nous, deux autres gamins parviennent à prendre la fuite, mais leurs copains sont bloqués par la XM de la BAC. Ils s'infilent pour un rêve caché. On veut y croire, mais plus souvent ils se retrouvent bafoués. On est très dans le cauchemar des goûts amers. Je perds pas l'espoir, mais j'ai ce manque de temps, manque de ta gloire. Encore fait sa place pour mettre ma boîte. C'est boîte, c'est ce qu'on fait de mieux depuis l'enfance. Rêve perdu, sans GPS ni âme pour se défendre. Dans cette matrice, je me sens pas à ma place. Je suis pas suicidaire, j'aime la vie, même si ton doigt elle me les casse. Un peu de sombritude, je laisse mon cœur prendre de l'ampleur sur mes mots. Mon avenir s'est fait enlever comme Nemo. Les promesses, ça fait longtemps que j'y crois plus. Car sous la parole, le mensonge ne sera pas traduit. Je déduis ma politique, c'est tous des nazes. Pense qu'à s'enrichir alors qu'ici on crève la dalle. La France, comment veux-tu qu'on l'aime? Elle nous rejette, vous injecte au vin d'air que nos échecs, chèques, chèques, chèques. Les sentiments sont morts dans ce monde qui saigne. Réveillé comme tout le monde, c'est ça qui gêne. C'est ça. Nos couleurs et nos religions leur posent problème. La rancœur les emporte, l'égalité d'air. Les sentiments sont morts dans ce monde qui saigne. Réveillé comme tout le monde, c'est ça qui gêne. C'est ça. Nos couleurs et nos religions leur posent problème. La rancœur les emporte, l'égalité d'air. Je rêve à la couleur des temps. Avec l'égalité parfaite, que l'on soit noir ou blanc. On se battra si il le faut pour qu'on se fasse entendre. J'induis l'erreur qu'à l'être humain au monde et une bonne partie de ses résidents. Les frontières sont faites pour créer des clans par couleur. Car l'égoïste, le fasciste veut pas de mixité multicolore. Veulent garder leur tradition. Font des guerres pour du pétrole, mais dans quel monde vit-on? Yeah, je reste très sombre, comme le son nos vies. Entrepris entre le racisme, le monde d'argent qui force la jeunesse à devenir marchande. Trafic pour pas devenir clochard dans un cauchemar. Recrée bien sa vie avec l'argent jusqu'à destin. Nous ne sommes pas nés sous la même étoile. L'Afrique à Las Vegas, la richesse, certes, ne fait pas le bonheur, mais y participe. Le vie reste trop tragique car elle n'a rien de magique. Les sentiments sont morts dans ce monde qui saigne. Rêver comme tout le monde, c'est ça qui gêne. Nos couleurs et nos religions leur posent problème. La rancœur les emporte, l'égalité est d'elle. Les sentiments sont morts dans ce monde qui saigne. Rêver comme tout le monde, c'est ça qui gêne. C'est ça qui gêne. Nos couleurs et nos religions leur posent problème. La rancœur les emporte, l'égalité est d'elle. Les sentiments sont morts dans ce monde qui saigne. Rêver comme tout le monde, c'est ça qui gêne. Les sentiments sont morts dans ce monde qui sait. Les sentiments sont morts dans ce monde qui sait. Je vis comme tout le monde, c'est ça qui gêne. Attends, stop là, c'est la 2 minutes. Yeah. De toute façon, on gêne quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise. Rêver de vivre pour tout à part la crise. Rêve ton de bavure, non, ça n'empêche pas que ça se passe. Un président pire que Bouzou le clown qui pourra nous assigner sur nos libertés d'expression. Mais pas sur un fait, lequel? Yeah, celui qu'on rêve de vivre. Les sentiments sont morts dans ce monde qui saigne. Dans ce monde qui saigne. Rêver comme tout le monde, c'est ça qui gêne. C'est ça qui gêne. Nos couleurs et nos religions leur posent problème. La rancœur les emporte, l'égalité est d'elle. Ouais. Les sentiments sont morts dans ce monde qui saigne. Dans ce monde qui saigne. Rêver comme tout le monde, c'est ça qui gêne. C'est ça qui gêne. Nos couleurs et nos religions leur posent problème. La rancœur les emporte, l'égalité est d'elle. L'égalité est d'elle. Ça, c'est la version de notre chauffeur. Mais le conducteur de la première voiture, lui, n'a pas vu la même chose. Ils ont été pris. T'as des cailloux ? Ah non, ils sont partis à courant quand on est arrivé. Donc, il y en a deux qui sont partis. Allez, rentre-toi. Au bout de 5 minutes, les jeunes sont relâchés. On fait quoi, l'eau ? On fait quoi, l'eau ?